La. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue au Cirque Aquatique Magique en compagnie de François Gécouillard. Et cette semaine, un invité spécial, très spécial, Stéphane Robitaille. Salut Stéphane! Salut François! C'est une vraie jouissance de te recevoir aujourd'hui. Merci. Je suis content d'être là. Un grand amateur de musique, c'est Stéphane. Il nous a apporté toutes sortes de merveilles aujourd'hui, justement, pour contribuer à ce Cirque Aquatique Magique. On va commencer par parler justement de ta sélection, ton premier bloc. Oui, ben en fait, François, tu m'avais dit de te surprendre, puis j'ai décidé de te surprendre dans le convenu. Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, écoute, les deux premières chansons, c'est une chanson de Georges Brassens et l'autre, c'est une chanson de Leonard Cohen. OK? Reste dans en terrain connu. Là, je te reconnais, là. Oui, mais ceci dit, écoute, Georges Brassens, je pensais que j'avais fait le tour, j'avais écouté l'intégrale, j'avais écouté les albums en spectacle. Il y a encore des trucs que tu as découvert, là. Oui, puis tu devineras pas où. Écoute, j'avais tout, là, les inédits, tout et tout. Puis finalement, il y a un client au bar. Je suis barman, pour ceux qui ne le savent pas. Et, tu peux dire où, là, à l'Agité? À l'Agité, bar coop, près de chez vous. Et c'est ça, il y a un client qui est un maniaque de Brassens. Je pensais que j'étais maniaque, mais non. Écoute, le gars, il possède des kilomètres de bandes magnétiques, hein, des vieux machins. Des copies, des fois avec des bruits de fond épouvantables. Il a tout. Et je te jure, je n'invente rien, il a un enregistrement de Georges Brassens qui dort. On entend Brassens ronfler. Il a dû avoir ça, là. Non, j'ai pas mis la main là-dessus quand même. Je suis pas encore assez fou. Mais il y a entre autres aussi, je pense, un enregistrement de 4 heures. C'est Georges Brassens qui cherche la mélodie des copains d'abord au piano. Là. Mais j'avoue que ça doit être intéressant. Oui, quand même. Mais bon, je t'ai pas amené ça parce que 4 heures, voilà. ce que je t'ai amené, c'est beaucoup plus court. Ça dure 46 secondes. J'ai aucune idée quand est-ce que ça a été enregistré, de qui exactement est la chanson. D'ailleurs, je lance un appel aux auditeurs. Je pense que c'est pas de Brassens. Ça parle de la commune. Et ça dure 46 secondes et ça parle de la commune. Alors, on va partir avec ça. Ensuite de ça, on va écouter une chanson de Cohen. Puis là, encore une fois, je pensais que j'avais fait le tour de Leonard Cohen, que j'avais tout entendu. Eh bien non, le bonhomme, il a 76 ans, mais il fait des tunes en spectacle qui sont pas encore sur disque et qu'on espère qu'un jour, bon... Et il y a des gens assez fous pour connaître... Fait que t'as un bootleg qu'on appelle. Ouais, j'ai trouvé ça sur un site internet, le site c'est oneheckofaguy.com, one en chiffre, heckofaguy.com. Écoute, la chanson est tellement belle, ça s'intitule « Feel So Good ». Puis je te traduis juste le refrain là, comme ça me vient. C'est tellement bon de ne plus t'aimer. C'est tellement bon de ne plus t'aimer comme avant. C'est un peu comme si on avait enlevé le bandeau sur mes yeux puis qu'on avait dit bon, on va laisser ce prisonnier vivre finalement. c'est une chanson que tu as reprise, ça, non? Non. Écoute, je la découvre. J'ai découvert ça la semaine passée. Okay. Et bon, le son est ce qu'il est. C'est enregistré quelque part dans la salle par un maniaque. C'est enregistré. J'ai eu l'information que c'était enregistré à Durham, en Caroline du Nord, en 2009. Et si vous allez fouiller sur le net, c'est tiré de Other Songs of Leonard Cohen, qui est un détournement du titre du premier album de Cohen. Et écoute, c'est un album double rempli de tunes qui se trouvent nulle part, toutes meilleures les unes que les autres. Et je sais pas pourquoi il les sort pas. Il va sortir son troisième album en spectacle de suite en septembre. Ils sont très bons d'ailleurs, mais j'ai hâte qu'ils sortent des nouvelles chansons. Ça, c'est les deux premières. Je continue. Hank Williams ensuite. J'ai découvert Hank Williams à cause de Leonard Cohen. Le premier, le papa, là. Le papa, Hank Williams. Pas le troisième du nom qui est venu nous visiter récemment, qui est intéressant lui aussi, mais quand même. Et c'est là où je l'ai découvert à cause de Cohen. C'est une citation de Cohen qui m'a amené vers lui. Il dit à un moment donné. Que quand j'écris, je cite Cohen, quand j'écris à propos de Hank Williams qu'il est 100 étages plus haut que moi dans l'édifice de la chanson, ce n'est pas par modestie. Je sais où Hank Williams se situe dans l'histoire de la chanson populaire. Des chansons comme Your Cheating Heart sont sublimes et en comparaison, je me considère comme un bien piètre écrivain. Oh boy! Alors, c'est ça. Ce ne sera pas cette chanson-là qu'on va écouter. On va écouter Long Gone, Lonesome Blues parce que juste la façon... C'est inspiré du yodel, sa façon de chanter. Je le trouve extraordinaire. C'est du country, mais bon, des années 40. Donc, c'est de la pop de l'époque. Écoute, le gars, il est mort à 29 ans. Il a écrit 1000 tunes. 29 ans, 1000 tunes. Je pense que j'en avais 6 quand j'avais 29 ans. Il en a enregistré 300. En plus, à travers ça, il était dépendant au whisky, à la morphine. C'est pour ça qu'il est mort jeune. Oui, ça explique. Ça explique. Ben, en tout cas, il est mort d'un infarctus, puis c'est assez particulier. Ils l'ont retrouvé, il est parti en auto de quelque part pour aller faire un show, je sais pas où. Puis le gars qui chauffait la voiture en arrivant, en regardant en arrière, il était mort. Et il était mort et il y avait le texte d'une chanson écrite à la main à côté de lui qui s'intitule « Then came the fateful day ». Grosso modo, alors arriva le jour fatidique. Incroyable. Ça ne pouvait pas mieux encourager à sa légende. Ben oui, tout à fait. Il est enterré à Montgomery, en Alabama. Et jusqu'à aujourd'hui, ses funérailles sont considérées comme l'événement le plus important jamais arrivé dans cette ville. Écoute, le gars, il a vendu 14 000 tickets pour son mariage. Non. Oui. Oh là là. Puis, il me reste une tonne à présenter brièvement. Un gars, écoute, je connaissais le nom depuis longtemps. C'est un gars qui écrit des chansons pour les films, les dessins animés, genre Walt Disney, Toy Story. C'est quoi son nom? Randy Newman. Randy Newman, il écrit pour Monster Inc., Cars, Bagnole, je pense en français. Et c'est drôle parce qu'il y a un tel contraste entre ce qu'il a fait pour les dessins animés qui l'a rendu riche et ses chansons à lui. Il a fait plusieurs albums. Tu es en train de me dire qu'il a fait des espèces de chansons super déprimantes, super trash. Ben, c'est quelque chose. Il parle des rednecks, il parle de l'esclavage, il parle des nains, entre autres, une chanson qui s'appelle Sharp People. C'est absolument sublime. Je te jure, c'est très drôle. Mais en même temps, très sensible. Et celle que j'ai envie de présenter, c'est une chanson qui parle de Dieu. Ça s'appelle God's Song. Et grosso modo, Dieu parle dans cette chanson-là pour dire que l'humanité, ça signifie absolument rien pour lui. C'est n'importe quoi. Ça vaut moins que la plus petite fleur de cactus, que le plus humble des arbres. Ça vaut moins que ça. Qu'il nous envoie des horreurs, des maladies, la misère, et qu'il y a du fun dans le ciel à rire de nous autres en recevant nos prières. Il dit qu'il faut vraiment qu'on soit fou pour mettre notre foi en lui. Alors voilà, oh God's Song de Randy Newman. Randy Newman. Et pour tout de suite, on va y aller avec Georges Brassens. Oui, une sélection de Stéphane Robitaille au Cirque Aquatique Magique. Vous êtes à l'antenne de CKIA 88.3. Sélection musicale de Stéphane. Froc du canon, s'entend à l'horizon. Le froc du canon, s'entend à l'horizon. C'est la commune qu'on vient de proclamer. Chacun, chacune, pour elle veut s'armer. Debout, Paris tressaille, debout. C'est la bataille, debout, Paris tressaille, debout. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Mais la défaite est proche, le jour fatal approche. Le cœur succombe, fusillé par rangée devant leur tombe, jurant de les venger. Debout, pas de lutte brève, debout, guerre sans trêve, debout, pour notre rêve, debout. Just to wake up in the morning by myself. feels like it belongs to someone else. I got the same old broken heart, but now it feels like it belongs to someone else. Jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone, and now I'm lonesome blue. I had me a woman who couldn't be true. She made me for my money, and she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done left and gone. She's long gone, and now I'm lonesome blue. Find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price. Oh, Lord, I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone, and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone but not forgotten blue. She's long gone, and now I'm lonesome blue. Kids Lou Abel, Seth knew now why. Children of Israel were supposed to multiply. And why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. Chases round this desert, 'cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. awe and horror from the foulness of thee, from the squalor and the filth and the misery. How we laugh up here in heaven the prayers you offer me. That's why I love mankind. The Christians and the Jews are having a jamboree. The Buddhists and the Hindus joined on satellite TV. They picked their four greatest priests. They began to speak. They said, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. The temples that we built to you have tumbled into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, and the Lord said, I'll burn down your cities. How blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we? Y'all must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind. That's why I love mankind. Que j'aime ta musique de fond, François. Oh là là là là là là là là. C'était assez sombre, cette musique-là. On pourrait appeler ça une chanson iconoclastique. Oui, mais avec, bon, voilà, avec l'humour quand même. Oui, avec l'humour quand même. Tu as aimé ça? Excellent, mon cher Stéphane. Bon. Excellent. Docteur Stéphane, alors qu'est-ce que tu nous réserves encore? Mais là, après les années 40 de Hank Williams, on va reculer encore un peu, puis on va aller dans les années 30. C'est mon bloc années 30. Moi, je découvre les années 30 en ce moment. J'ai choisi trois pièces. Un groupe, je pense que tu dois les connaître. C'est les Cackle Sisters? Oui, les Cackle Sisters. En fait, le nom complet, c'est The Zurich Cackle Sisters. C'est un duo, deux femmes, deux sœurs, qui chantaient dans les années 30. Et l'enregistrement que j'ai choisi, ça date de 1937 environ. C'est tiré d'une émission de radio qui s'appelle The Checkerboard Squares Radio Show. Et tu remarqueras, avant que la pièce commence à répondre aux questions de l'animateur en caquetant comme des poules. C'est fantastique. Et c'est comme ça tout le temps. Avant chaque pièce, ils se font poser des questions et ils répondent en... Absolument. Par un drôle de par une curiosité du hasard, Québec et l'autre des New Cackle Sisters qui sont un peu une réincarnation de ces sœurs-là. Ben oui, ils sont absolument extraordinaires parce que bon, les sœurs originales sont arrêtées de chanter dans les années 40-50 et complètement, et sont mortes même depuis. Sauf qu'on a la chance d'avoir les New Cackle Sisters à Québec. Si vous tombez sur un spectacle, si vous apprenez que ça a lieu quelque part, là, faut pas manquer ça. Ils sont souvent en plus avec l'orchestre d'homme orchestre qui donne pas sa place non plus pour faire des très bons shows, que ce soit avec Kurt Vile ou avec Tom Waits et d'autres. Et parfois avec leur camion, ils font aussi dans l'amusement public. C'est ça. C'est à voir. Les Cackle Sisters, j'ai fouillé un peu, ils sont avant tout inspirés par les sons d'animaux. Absolument. Et ça a commencé, semble-t-il, qu'ils écoutaient les oiseaux, puis ils ont décidé de chanter avec les oiseaux comme les oiseaux. leur tout technique, simplement. C'est très rigolo à prime abord, mais techniquement, c'est époustouflant. C'est très proche du yodel et c'est assez magique. En fait, ils mélangent vraiment le country, le yodel et les chants de poules. Oui. C'est quand même pas rien. Tout à fait. La tune s'appelle Trail Herding Cowboy. Excusez mon anglais. Ah, cette chanson-là. Oui, excellente. Après ça, on va passer à un autre groupe de performeurs hallucinants qui s'appelle The Mills Brothers. C'est... écoute, les Mills Brothers ont fait 2000 enregistrements. Ils ont vendu 50 millions d'albums. C'est pas rien. Ils ont surtout été connus après les années 30. Puis c'est là qu'ils ont vendu leurs 50 millions d'albums. Mais si vous avez à aller fouiller ce groupe-là, c'est vraiment les années 30 qui sont extraordinaires. En fait, les années 30 à 36, jusqu'à la mort d'un des membres, John Jr. Ils ont continué quand même à rouler jusqu'aux années 80. Que fait le calcul, c'est quand même un groupe qui a su durer. Et ce qui est fabuleux dans ce groupe-là, même quand on ne le sait pas, d'ailleurs, je les ai connus, puis je pensais que c'était des instruments de musique et qu'on entendait, mais non, en fait, il y a un seul instrument de musique, c'est la guitare. Le reste qu'on entend, on entend du tuba, de la trompette, du trombone, est complètement imité avec leur voix. Oh boy! Ouais, c'est pas des tracks, là, c'est pas du... C'est pas des chantillonnages, là. Non, à l'époque, c'est live, tout le monde autour du même micro. Bon, il y en a beaucoup qui les ont considérés comme des amuseurs publics, justement, plus que des vrais artistes, des vrais musiciens pendant longtemps, jusqu'à ce que Duke Ellington les entende et tombe amoureux de ce groupe-là et leur refile une partie de son répertoire. C'est assez magique. La tune qu'on va entendre, c'est la toute première chanson que les Mills Brothers ont enregistrée, qui s'intitule « Tiger Rag ». Et après ça, toujours dans les années 30, mais là, on revient au Québec et on va, parce que bon, les The Zurich Cackle Sisters et les Miss Brothers, c'est aux États-Unis. Et là, on revient au Québec avec Madame Bolduc. Tu connais mon amour ben oui, pour la Bolduc. Puis tu m'as fait découvrir bien des choses sur cette femme-là. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Ben, beaucoup de choses qu'on devrait savoir de la Bolduc. Elle était, bon, à l'époque, surnommée la turluteuse du peuple, ce qui est quand même assez beau. Écoute, c'est définitivement la première chansonnière du Québec, et même plusieurs années avant ceux qui vont suivre. C'est la première femme québécoise qui a gagné sa vie en tant que chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Quand même. Puis je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'hommes non plus qui pouvaient prétendre à ce titre-là à l'époque. Son premier succès sur disque, elle a fait quand même une couple d'enregistrements avant de réussir à pogner. Et son premier succès sur disque, c'est le 6 décembre 1929, pile quand la crise part. Et les gens faisaient la file au Archambault sur la rue Sainte-Catherine. Je savais pas que le Archambault existait déjà, mais oui, les gens faisaient la file au Archambault sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour avoir son troisième 78 tours enregistré sur les disques Star, qui contenait deux tonnes, 78 tours, La Cuisinière et Johnny Monferlo. Écoute, ils en ont vendu 10 000 en un mois, hein, en pleine crise. Là, les gens sont cassés, mais bon, on économise, on garde nos petites scènes pour aller acheter un disque de la Bolduc. Incroyable. Et c'est pas pour rien que les gens se reconnaissaient dans la Bolduc. La Bolduc a vraiment connu la grosse misère noire foncée. Juste souligner qu'elle a perdu beaucoup d'enfants, ce qui était courant à l'époque, malheureusement, pour différentes raisons, entre autres que les légumes frais, ça pleuvait pas. C'était très coûteux. L'eau courante était dégueulasse. Et le lait n'était pas pasteurisé. Et tout ça mis ensemble, puis les maladies infectieuses, les vaccins, tout ça, c'était bon. Ce qui fait qu'elle a eu 13 grossesses et elle a conservé 4 enfants. Il y a 4 enfants qui ont survécu. Ce qui est quand même mauvais signe. En tout cas, c'est vraiment ça la misère, je pense. On dit qu'elle est devenue l'idole de tous les démunis, de toutes les victimes de la crise, de tous ceux qui triment dur dans les usines pour des salaires de famine, de toutes celles qui élèvent une trolée d'enfants dans des conditions misérables. Cette femme-là avait très peu d'instructions, faut le dire. Elle avait de la difficulté à écrire, tout ça. Je suis allé au musée de la Bolduc, on voit des cartes postales de l'époque, et elle faisait reviser puis écrire. Souvent, elle faisait ses tartes, puis c'est sa fille qui écrivait les chansons que sa mère lui dictait. Et sa fille qui l'accompagnait, entre autres, au piano. Et c'est ça. Mais bon, elle avait très peu d'instructions, mais elle avait vraiment quelque chose à dire. Puis, en mon sens, elle était au moins 35-40 ans en avance sur son temps, sinon peut-être en avance sur le nôtre. Alors, on va écouter une tune que... j'aime l'intégrale de la Bolduc, mais on va écouter « Si les saucisses pouvaient parler ». Excellent. Et ben c'est le choix musical de Stéphane Robitaille. N'oubliez pas que vous écoutez CKIA 88.3. C'est la seule radio dans tout l'univers qui pourrait faire jouer cette musique-là. Alors, soyez contents. Puis la prochaine fois, rappelez-vous-en quand vous aurez à payer une carte de membre. Alors voilà, vous êtes au Cirque Aquatique Magique. François Gécouillard aussi en votre compagnie. On s'en va écouter ça. Well, There in again, that fine feathered pair of songsters with their trick vocal stunts. What's on your mind, gals? Sounds nice. Trail herding cowboy. Start riding now, boy, we'll reach San Antonio soon. Long weary days and a dusty road to travel. We'll make the bronc safe for all the saddle driving cattle. Light-hearted, carefree, trail herding cowboy soon. La vérité, n'est-ce qu'il vous comme ça? C'est du porc qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée? Avec quoi qu'elle est fourrée? C'est le secret des bouchers. Tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin, tarétin. On me dit que c'est du pot, moi je vous dis que c'est du chien mort, du cheval ou du chat, du cochon, il n'y en a pas. La guerre a pris de la boyau, la saucisse c'est des chiens chauds, les hantons sont pas contents que la saucisse y rend dedans. T'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Qui pâte à chicaner, c'est une bataille de viande hachée. Les handogs m'ont jappé, la saucisse m'ont aveuglé. Les handogs sont insultés de se faire traiter d'émigrés. Moi, je suis faite au Canada, puis toi, tu viens des États. Dans la crise du chômage, la saucisse est un usage. On la trouve un peu partout, à 3 livres pour 30 sous. On la voit sur le comptoir, du matin jusqu'au soir. Les handogs sont en colère, alors garde un œil de travail. qui digère pas, y'a rien de mieux que ça. Et pour ceux qui a pas dents, y'a de Dieu très pour le dent. Reconnaissez vos données, je sais ce que vous aimez. N'allez pas chercher plus loin, mangez tout ce qui est canadien. Et oui, vous êtes toujours au Cirque Aquatique Magique. C'était la Bolduc, messieurs, dames. Oui, si pour les de saucisses vrai. Pouvaient parler. Oh là là, c'était bon. On aurait pu les inviter à venir co-animer avec nous. Sélection musicale de Stéphane Robitaille. Qu'est-ce que tu nous réserves encore dans ta bourse, dans ton sac magique? Mais là, je vais faire de la plug. Je vais faire de la plug. OK. Demain, tu l'as dit, je suis barman à l'Agité, mais je suis pas juste barman. Des fois, je chante aussi à l'Agité. Puis demain, je vais chanter et je vais faire la première partie d'une artiste que j'ai découverte. J'ai découverte au Festival de chansons de Petite-Vallée. Et je te vois sur sa page Facebook. Et elle prétend être née en 1920. J'estime qu'elle est au début de la vingtaine, grosso modo. C'est un drôle de personnage, à ce que j'ai pu comprendre, moi aussi. Oui, quelqu'un de spécial. Oui, vraiment. Allez voir son MySpace. Oui, elle s'appelle Chloé Pelletier-Gagnon, dite Chloé Pelgag. C'est son nom d'artiste, ça. Chloé Pelgag. Ça sonne... Ça sonne comme un morceau de char qui je sais pas. En tout cas, je sais pas, mon Chloé Pelgag fait du bruit. Je sais, en tout cas. Et d'ailleurs, elle fait du bruit, mais un beau bruit. C'est quelqu'un qui joue du piano, entre autres, et qui s'installe tranquillement au piano et qui te... Elle pioche un piano, là, avec cœur. Et c'est quelqu'un qui a une voix assez intéressante, qui a une bonne présence. Faut définitivement voir et entendre. En plus, je trouve que... J'aime ça, c'est ambitieux. C'est quelqu'un qui a pas peur de prendre des moyens d'arriver à ce qu'elle veut. Elle est accompagnée, entre autres, elle débute quand même, là, et elle fait une petite tournée comme ça de places comme l'Agité, de places plus petites que l'Agité. Elle est accompagnée de violon, violoncelle, clarinette, batterie, guitare, némite, là, c'est, je veux dire, ça va être plein, le stage à l'Agité. Je sais pas comment, je sais qu'elle joue aussi à l'Escalier à Montréal, je pense que le lendemain, la scène est grande comme ma main, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense qu'ils vont s'empiler sur la scène, j'ai aucune idée. Écoute, juste pour te donner une idée du côté... On va peut-être décrire la pochette. C'est absolument indescriptible. Juste c'est, dire, c'est fait main, hein? C'est fait main. C'est un collage complexe. Chacun de ces démos a un titre différent. Celui-là s'appelle « Le plum pudding flambé » de Chloé Pelgag. C'est tout découpé. Et on a la recette du plum pudding qui contient au-dessus d'une vingtaine d'ingrédients. et tout est five roses. Et ça, c'est fait avec du papier recyclé. Oui. C'est entièrement recyclé. Ça contient quatre chansons, mais je pense qu'il y en a... Elle en aura des copies demain au spectacle. Puis je pense qu'elle a rajouté des chansons sur les... Puis, ben, juste pour avoir le collage, écoute, elle a trouvé le moyen de contrer le téléchargement. Je veux dire, j'aurais payé 50$, je pense, pour avoir la copie originale de ça. Fait que c'est ça. Je vais la citer, comment elle se décrit sur son site Internet. Écoute, elle parle d'elle-même. Elle dit « La première fois que je l'ai vue, c'était dans le miroir. Ses cheveux en disaient long. À 42 ans, avec 9 enfants, un lourd casier judiciaire et judicieux, 230 livres à supporter et un grave problème auditif, elle s'est mise à écrire des chansons portant essentiellement sur le vaccin contre le H1N1. C'est le Boxing Day, sa principale source d'inspiration, qui l'a entraînée à jouer du piano sous le regard jaunâtre de son père alcoolique et de sa mère recycleuse de bouteilles. Si elle ne se retenait pas, elle serait un trailer plein de melons d'eau, mais il lui manque la petite boule en arrière de son char. Ça s'invente pas. C'est n'importe fait quoi. C'est demain à l'Agité à 20h30. Je sais pas si c'est gratuit. En tout cas, c'est sûrement en 5$ ou moins. Si vous êtes trop cassé, venez saigner le barman, puis je vais vous faire rentrer. On va écouter deux chansons de Chloé Pelgag. D'abord, Les maladies de cœur, et c'est suivi d'une autre chanson qui s'appelle Harakiri. Ça va être gay. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique, choix musical de Stéphane Robitaille. Oh là là, si vous voulez appeler, là, 529-9026, pourquoi pas? Faites-vous plaisir. J'ai cassé mes jambes volontairement. Je voulais vous impressionner. Je les ai gardées dans mon coffre à gants. Je voulais vous les emballer. Je n'ai pas trouvé de choux, seulement un concombre. J'ai quand même pris soin de l'éplucher. Je n'ai pas laissé de mots, car je me suis dit que le sang avait déjà signé. Je l'ai fait pour vous. Et les sacrifices. Tu n'es pas venu me remercier. Offre-moi ta montre, même si elle fait mauvais temps. Qu'on ait la même tempête. On m'a amené, on m'a réparé. Mais au casse-jambe, il manque des morceaux. Ils les ont cherchés dans les cracks du plancher. Je leur ai dit. Ils m'ont dit que c'était fou de se faire mal comme ça. Mais ça dépend des goûts. Je leur ai dit, tu vois, je n'aime pas les docteurs, leur maladie de cœur. Tu n'es pas venu me remercier. Offre-moi ta montre, même si elle fait mauvais temps. Qu'on ait la même tempête. Tu es venu me voir. Me regarder, tes yeux auraient-ils le vertige? Mais ne t'en fais pas, je les rattraperai bien avant qu'ils ne délirent. Je n'ai pas de mal à peindre une femme en poésie. Aussi vrai que je l'étrangle, que je la nomme Harakiri. Mais toi, fonde serré. Celles-ci sont de ceux qui résonnent dans mon être un ton gris. Que l'enfer est une saison polie. Décoré de très près d'un couteau dans une plaie. Thank you. passion qui la propulse dans le trou de sa mémoire. De tes attraits, aussi juste soit ta montre dans l'instant qui suivait. Belle gag demain en spectacle à la JT avec Stéphane Robitaille. 20h30. Et là, justement, Stéphane Robitaille, c'est lui qu'on va entendre, justement. Là. Ben oui, c'est tant qu'à plugger. Je vais plugger jusqu'au bout. Je vais me plugger moi-même. T'sais. Je fais pas ça souvent. Je suis un peu le contraire de Claude. Je disais que c'était ambitieux, ces affaires. Moi, je suis pas très ambitieux. D'ailleurs, c'est dommage. Tout... D'ailleurs, on a tellement hâte que tu sortes ton Joie le vert d'album. Ça se fera un jour. Ça se fera bien un jour. Écoute, mais je vais peut-être être un petit peu ambitieux et rajouter un instrument. Pour l'instant, je suis tout seul. Demain, je vais être absolument tout seul sur scène, comme j'ai toujours été. Mais c'est peut-être une des dernières chances de m'entendre pour un petit bout. Puis je vais faire une retraite d'ajout d'un instrument. Qui sera le banjo. Parce que Tu fais ta retraite pour faire ton album ou. Ben, je sais pas. Je vais continuer à enregistrer. J'ai quelques enregistrements, mais je suis pas encore content pour dire que ce sera un album. Bon. Mais je travaille, puis je réécoute. C'est parce que, en fait, j'ai un défaut. J'enregistre ma toune, puis je finis par trouver que ça sonne bien, puis tout ça. Puis là, je l'écoute, puis je fais maudit, il manque un bout. C'est dans cette tune-là. Puis là, j'y rajoute un bout. Puis là, je me dis, bon, c'est ouais, jamais. Il faut le dire, Stéphane fait des tunes très courtes. Et je l'ai déjà dit, c'est un punk qui s'assume pas. Je commence à m'assumer. Là. T'as sûrement qu'il y avait des trous dans mes jeans. Puis là, t'as, t'as, je commence à m'assumer parce que j'ai pas de budget pour faire autrement, de toute façon. Et la première pièce, ça va être La fin du monde. La fin du monde, c'est pour prouver que j'ai un certain humour. Hein? Quand même. Puis c'est ça. Et ça va être suivi de Vas-tu m'aimer? Pour montrer que d'autres fois, je suis pas drôle pantoute. Et puis, t'en voulais deux ou trois? Trois. La troisième des propriétaires pour montrer que t'es un artiste engagé. Et fâché. Fâché avant tout. Plus qu'engagé. Pour ceux qui vont venir au spectacle demain, ça, c'est des chansons quand même qui datent un petit peu, mais j'en ai deux ou trois, ceux qui n'ont pas vu mon dernier spectacle, j'ai deux ou trois nouvelles chansons. Ceux qui m'ont jamais entendu, j'ai juste des nouvelles chansons. quand même, il y a une nouveauté, je joue du ukulélé. Oui, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je joue du ukulélé pour plusieurs raisons, parce que ça coûte pas cher, l'instrument, entre autres. Puis j'ai pas peur de le briser, tu sais, c'est même pas mon ukulélé. Et puis ça se traîne très bien. C'est le fun. Quand t'as déjà une guitare à traîner, mais tu peux tout faire en un voyage, ukulélé, guitare, tout ça. L'idée, c'est de tout pouvoir faire en un voyage. Fait que c'est ça. La fin du monde, Vas-tu m'aimer et Les propriétaires. Le jour de la fin du monde, il va faire au moins 100 à l'ombre. Il y aura des vitres qui éclatent, un homme figé dans l'asphalte, au loin de longs cris de démence, et puis un inquiétant silence. Quand le ciel tournera au brun, les océans ne feront qu'un, noyant les rats et les moucherons, porteurs de maladies sans nom. Une hécatombe sans pareil sur le plus beau coucher de soleil, les dieux se feront du pop-corn en pleurant un peu pour la forme. Le jour de la fin du monde, il faudra pas perdre une seconde, oh que non. C'est le temps de sortir tes REER pour les dépenser en enfer. Le temps de lui dire je te veux juste avant qu'elle ne prenne en feu. Initie-toi aux drogues dures, au bois du cirage à chaussures. Va-t'en sagement au bureau, découper ton boss en morceaux. Achète un avion à crédit, va t'écraser en Mongolie. Fais juste un sourire aux voisins, puis remets le reste à demain. Le jour de la fin du monde, Bernard de Rome sera en onde. La terre aura le grand frisson, les volcans éjaculeront. Au nord, ça va être l'enfer, au sud, ça reste la même affaire. Les enfants pourront veiller tard, mais n'iront pas jouer dehors. Les vieux seront contents d'être vieux, même si dans le temps, c'était mieux. Alors s'arrêteront les guerres, on trouvera le remède au cancer. Et je chanterai ma chanson quand on s'éteindra pour de bon. Le jour de la fin du monde, le jour de la fin, enfin la fin, la fin du monde. Vas-tu m'aimer quand j'aurai plus de dents, quand je ne banderai plus depuis longtemps? Vas-tu fouiller avant de t'endormir la cendre de nos désirs? Si tout s'efface dans ma tête un jour, vas-tu devenir ma copie de secours? Vas-tu me sourire comme au début, si je te reconnais plus? Vas-tu m'aimer quand mes yeux seront morts, dire des mots doux quand il faudra parler fort? Vas-tu te glisser dans mon lit d'hôpital quand la faim me fera mal? Vas-tu toujours te coller contre moi si mon corps se fait envahir par le froid? Et si je tremble de peur ou de rien, vas-tu me tenir la main? Vas-tu m'aimer quand j'aurai plus de dents, quand je ne banderai plus depuis longtemps? Vas-tu fouiller avant de t'endormir la cendre de nos désirs? L'aube rivière, c'est pas mon fort, et les squats se font plutôt rares. J'ai beau aimer traîner dehors, il faut bien dormir quelque part. J'habite un logement de misère qui me prend la moitié de mon salaire. Avec deux, trois colocataires, on s'empile pour passer l'hiver. Chez nous, c'est laid, ça agonise, c'est encore plus petit qu'une remise. Pourtant, l'hydro nous vampirise, on dirait qu'on chauffe une église. Il faut couper sur les dépenses, on vit dans le noir, ça met de l'ambiance. On mange froid et bientôt on pense à prendre notre douche ensemble. De bail en bail, nous négocions toujours les mêmes rénovations, pour finir par mordre à l'hameçon puis avaler l'augmentation. Le comité populaire dit de porter plainte à la régie, que ça prend juste un an et demi, que même parfois ça réussit. du proprio, une compagnie à numéro. Faut quitter les lieux au plus tôt, on habite un futur condo. C'était à prévoir, le quartier avec les yuppies a changé. Y'a plus rien qu'on peut se payer, on est devenu des étrangers. Moi ça me va qu'on déménage, j'étais tanné du paysage. Mais ce qu'on trouve dans les parages, pour nos moyens c'est un garage. Bien sûr y'a plein d'appartements pour ceux qui font beaucoup d'argent. C'est fini la crise du logement, les politiciens sont contents. Pour ma part, je m'en vais ailleurs, je laisse les autres à leur malheur. Paraît que les prix sont meilleurs, pas loin de l'incinérateur. J'essaie de garder le moral, mais je perds un peu les pédales. Au moins, si jamais je vois trop mal, j'irai dormir à l'hôpital. Ma chanson finit un peu raide, c'est déprimant, je le concède. Mais j'ai pas trouvé de remède. Les propriétaires nous possèdent, c'est ça qui est ça. Les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent, les propriétaires nous possèdent. Puis je m'en vais rester dans la merde. Choqué, c'est Stéphane Robitaille. Choqué! Vous pourrez le voir demain à la JT en spectacle. Et là, dis-moi, mon cher Stéphane, je sais que tu es un grand fanatique de country. J'adore le country. Tu as commencé là-dedans, c'est cette musique-là qui t'a rempli d'amour de la musique. C'est vraiment le country, tu te retrouves là-dedans. Alors là, je me suis dit, tiens, on va inviter Stéphane Robitaille, je vais sortir tout ce que j'ai de plus bouseux dans le domaine du country. Et là, je sens que tu vas me faire découvrir des affaires. Alors, on va écouter une pièce de Frac, qui est un bonhomme assez particulier, un Québécois. Et... je sais pas pourquoi il fait des chansons extrêmement trash, avec des sujets extrêmement curieux. Et là, cette fois-ci, on va écouter une de ses pièces, justement, choquée. Il va parler des têteux de boss. Frac, t'écris ça comment, Frac? Fait F-R-A-C-C. OK. Et sur son dernier album, c'est marqué « Ce CD a été protégé des pirates. Bye bye, les pirates. » Ce qui n'avait pas empêché, évidemment, de copier son album. j'ai encore une question. C'est dans quelles années, ça? C'est-tu contemporain? Oui, c'est contemporain. Ah oui, ça, okay. Oui. Ça se trouve-tu chez tous les bons disquaires? Et bon, ça va tu risques de chercher longtemps. OK. Ça se trouve dans les discothèques de Radio Communautaire. OK. Dernière question. Il vient de où? Je sais pas. OK. Bonne réponse. Il vient d'un trou québécois. OK, on va écouter ça. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique. C'était le dernier micro. Vous étiez en compagnie de François Gécouillard et de Stéphane Robitaille. Et bon, on se dit à la semaine prochaine. Merci, François. T'en as-tu des tatus, ta job? Tout le monde m'appelle le têteux. C'est pas son but jaloux. Mon boss m'aime bien mieux. Eux autres m'aiment pas du tout. Quand j'arrive sa job, sont toutes là à me regarder. Ils ont toutes peur de moi. Ils ont peur de se faire scaber. Ils m'appellent toutes le têteux. Ils ont toutes peur de moi. Ils me disent je suis dangereux. C'est parce que je suis têteux. Ils m'appellent toutes le têteux. Ils ont toutes peur de moi. Il me dit, je suis dangereux, c'est parce que je suis têteux. Tout le monde commence à 8 heures, je les watch tout travailler. Il est rendu presque 11 heures, j'ai même pas commencé. Mon boss dit que je suis meilleur, il veut tout le temps m'augmenter. La gang m'a près de 100 coeurs, ils ont peur de se faire scaber. Ils m'appellent tout le têteux, ils ont tout peur de moi. Il me dit, je suis dangereux. C'est parce que je suis têteux, ils m'appellent tout le têteux. Ils ont peut-être peur de moi, ils me disent je suis dangereux. C'est parce que je suis têteux. s'attendait pas de ça, il a commencé à me questionner. Une bonne chance qu'il sait pas, je l'ai toujours calé. À ce temps, c'est moi qui bosse, c'est moi qui l'escalé. Il m'appelle tout le têteux.